En Corée, l'exposé national technoscientifique du secteur de recherche de gazon a eu lieu le 20 et 21 courant à l'annexe de recherche de gazon de l'Académie nationale des sciences sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée, en présence des cadres scientifiques, techniciens, enseignants et membres de doctorat de diverses unités d'activité. Les meilleurs dissertateurs ont été primés.